autant d'impact que les balles. Parce que l'écart laisse intact l'envie d'un monde idéal. Parce que j'ai pas besoin de drogue pour halluciner. Parce que je me sens bien que dans les bras de ma femme ou dans les salles ciné. Les supporters n'aiment pas le sport, ils préfèrent parler d'inceste. Parce que les médias peuvent littéralement tuer une princesse. Parce que nos cœurs sont aussi loin d'être purs que le cristal. Parce que les histoires de cul finissent mal. Parce qu'ils se servent de la télé et d'internet en se gavant d'idiotie. On dirait que les sources de savoir les rendent plus bêtes qu'avant. Parce qu'on est obligé de voter à droite pour bloquer l'extrême. Parce que c'est plus facile de dire du mal plutôt que je t'aime. Parce que dès qu'il s'agit de faire souffrir, on s'applique. Parce qu'on veut tout de suite le fric et l'argent du fric. Parce qu'on est égoïste et jaloux des autres. Parce qu'on est seul, triste et qu'on n'avouera pas nos fautes. Les poignets sanglés, je pense à mon sang clémence. En gros j'évite les sanglots, j'écris, je m'évade des enclos. Je tuerais bien les jambes trop chantes. Faux pendant que la paix succombe au champ de saut. J'ai traversé des vies entre le paradis et l'enfer. J'ai vu des sacrifices, j'ai trop entendu qu'il fallait s'y faire. Pencher du côté du cifer, fin de triompher sans gloire. Ça me rendra aussi fier que de prier sans vraiment y croire. Si la femme était comptée, enfin peut-être que j'en rirais. Y'a bien deux ou trois scénarios où l'homme pourra pas s'en tirer. Illicité, ça survit, je t'assure que si le bien était réel, j'aurais vu des anges descendus ou se faire scier les ailes.